fort, je survête la coste. Liasse dans la poche, poche, poche, elle me fait des warnings. Je la suis de suite. Elle me donne son snap, snap, snap et ainsi de suite. Je m'arrête à quick, je mange sur le parking. Je sors d'une suite, personne le sait, je fais pas le king. Je croise le poteau, je lui dis qu'est-ce que ça va faire. Il me dit moi je suis à terre, bientôt je reprends les affaires. 2-3 mois histoire de me refaire. Y'a clip, s'il te plaît, fais l'insert. S'il te plaît, dans tes freestyles, représente tous ceux qu'on incarcère. Serre, un 3 terre, terre, c'est mon même, mon seul adverse. Serre, dans le game, je leur fais la zère, zère. Saint-Jean du désert, zère, zère. Un 3 terre, terre, c'est mon même, mon seul adverse. Serre, dans le game, je leur fais la zère, zère. Saint-Jean du désert, zère. Rien, grave, tranquille, tu m'aimes pas, tant pis, je serai là, tant pis. Parleront de moi, c'est bien, qui attention, tombe-le. J'croise des patrouilles en ville. Chante qu'avec moi t'es plus le même. Chante sous roche à Andy. Là j'suis solo, j'fais des sous-l'eau. Au bout du rouleau, j'fais que m'saouler. Y'a trop de boulot, j'perds la boule. Mais ça va couler, demain j'peux couler. Sagadi elle est à terre. Et elle lui fait des manières. Moi j'aime pas les matières. À la fuite des Maserati. Des féfés, des Bugatti. Vous êtes plein de pépé de Versace. Mais à la fin du mois y'a T. TDM en crap. Brum brum brum, on reste présentable. Mon table de ta table, on check avec Jean, moi tu 12 ans d'âge. Cambriolage, ça veut le billet violer. Carambolage, dans le game, je vais les violer. Sors le cross volé, pendant que ton pote prend la relève. Sors le cross volé, pendant que ton pote prend la relève. Serre, un 3 terre, terre, c'est moi-même, mon seul adversaire.